Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, ozalaka na mandate o. Yahweh, Yahweh. Yeah. chanter avec l'assemblée. Yahweh, ça va quand même entier ensemble avec les chanteurs. Yahweh, Yahweh, Osala Kanamandate. Encore une fois, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Osala Kanamandate. Without instruments, only voices. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Osala Kanamandate. Le voix seulement, Yahweh, Yahweh. Without instrument, for the last time, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Usala kana mandate o. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Usala kana mandate. Can you clap your hand for Jesus who lives forever?